Anatole, empereur des ténèbres, que ton courroux hostile fasse que ton feu destructeur annule tes traits, que ton glaive de vengeur fasse couler sang et sel. Anatolus, but one day the squad will go. Look at you in the veranda, look out the snow. Anatolus is there. Fasse couler sang et sel. Ô Squamat, version originelle, tu es le mal qui souhaite, rends-nous dans chaque parcelle. Tu te glisses dans les draps, de ma crème et du sel. Tu conserves dans les draps, et dans ta tête du secret. Tu es là sur la vie, et ta femme est différente. Tu es là sur la vie. Squamat will go. One day in the barrel down, the Squamat will. And one day the Squamat will go. Galerie tout sang, tout sang, la tourie. Anatolus, Squamatus, Sanctus. Nous devons mener une aile de crème, sans réfractaire. Oh non, il s'est récolté, de sans réfractaire, non.